qui va ouvrir la réflexion à l'art contemporain et notamment aux pratiques artistiques nées après la catastrophe de Fukushima, la catastrophe du 11 mars 2011. Michel Ferrier est écrivain, il réside désormais au Japon, à Tokyo, où il enseigne la littérature à l'université des Chuo. Il a signé plusieurs romans et son dernier livre, qui nous a intéressés tout particulièrement, Fukushima, récit d'un désastre, publié chez Gallimard en 2012, a reçu les prix Édouard Glisson, donnés d'ailleurs à l'ensemble de son œuvre. Il a écrit aussi les textes du film Le monde après Fukushima, réalisé par Kenichi Watanabe, et prépare actuellement un ouvrage sur la catastrophe et l'art contemporain, donc le sujet dont il va nous parler ce soir. Sa conférence sera suivie à 20h30 par un film documentaire, Into Eternity, de Michael Madsen, que Michael Ferrier nous présentera. Il nous l'a proposé, il l'a choisi lui-même, en lien avec sa conférence. Donc, je vous propose, après sa conférence, de poser quelques questions brièvement pour après nous laisser le temps de vous laisser le temps de revenir pour les films. Et je vous rappelle que les tickets d'entrée de la conférence vaut également pour les films et nous aurons ensuite encore un temps pour la discussion. Je vous remercie et je remercie Michel Ferrier. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Pas de problème? Bien. Alors, je vais commencer par une série de remerciements tout à fait classiques et tout à fait sincères. Je remercie d'abord François Hartog, qui a eu l'amabilité de m'inviter donc à prononcer cette conférence, et évidemment toute l'équipe du Musée du Louvre, notamment Monica Preti, qui vient de me présenter, ainsi que Isabelle Haquet, et l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, et bien sûr tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre invisible. On va voir aujourd'hui avec Fukushima que ce qui est invisible est parfois très important. Nous sommes le 16 juin 2014. Le 16 juin n'est pas une journée comme les autres. C'est le Bloom's Day, vous le savez peut-être. C'est le jour de Bloom, de Léopold Bloom. C'est-à-dire que c'est le jour durant lequel se déroule toute l'histoire de ce très très grand roman de la littérature occidentale qui est Ulysse de James Joyce, puisque Ulysse, comme vous le savez, se déroule sur une seule journée, le 16 juin 1904, journée unique dans laquelle se déroulent tous les événements du roman. Donc une journée toute simple, mais inépuisable, qui va d'ailleurs donner donc ce livre extraordinaire, efflorescent, qui fait 1000 pages, ou même un peu plus, et dont on n'a pas assez de toute la vie pour la lire et la relire, sans même parler de la comprendre. Je vais vous parler moi d'une autre journée, qui est tout aussi connue, voire plus connue encore. C'est la journée du 11 mars 2011, qui n'a pas été une journée simple non plus, puisque, je le rappelle très brièvement, c'est le 11 mars 2011 qu'a eu lieu ce qu'on désigne désormais sous le nom de Fukushima, c'est-à-dire un séisme d'une magnitude 9, le quatrième séisme le plus puissant de tous les temps, depuis que les instruments de mesure existent en tout cas. Tremblement de terre suivi d'un tsunami, dont vous avez sans doute en mémoire les images, qui a laissé près de 19 000 morts et disparus. Et puis, troisième catastrophe concomitante ou conséquente, on ne sait, l'accident nucléaire, la catastrophe nucléaire de Fukushima, la centrale nucléaire de Fukushima qui explose. Alors, je vais plutôt axer mon propos justement sur la question de la représentation du nucléaire dans l'art contemporain au Japon. Cette réflexion, elle est bien entendu en cours aujourd'hui. Cela peut surprendre un public français peut-être, car la réflexion sur le nucléaire en France est singulièrement absente de la pensée et de l'art depuis le XXe siècle. Si on prend tous les grands penseurs, tous les grands philosophes, tous les grands écrivains qui nous ont formés au XXe siècle, disons sur une ligne qui va de Jean-Paul Sartre à Lévi-Strauss par exemple, eh bien cette réflexion sur le nucléaire est pratiquement inexistante. Ou bien elle se résume la plupart du temps à une réaction à chaud ou à un exemple de circonstance. Par exemple, Jean-Paul Sartre, en 1945, lorsqu'il apprend l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima, publie quand même un texte, mais un texte très court dans les temps modernes. Je vous lis ce texte parce qu'il va nous occuper un petit peu par la suite. Il va résonner par la suite. Voici ce qu'écrit Sartre. « À la prochaine guerre, la Terre peut sauter. Fin absurde. Lorsqu'on y pense, tout semble vain. Pourtant, il fallait bien qu'un jour, l'humanité fut mise en possession de sa mort. Chaque matin, nous serons à la veille de la fin des temps. » Très court texte, écrit en octobre 1945, dans les temps modernes. Après ce très court texte, Sartre, à ma connaissance en tout cas, n'écrira pas grand-chose, sinon rien du tout sur le nucléaire. Un deuxième exemple, dans ses cours au Collège de France, Pierre Bourdieu parle du nucléaire, mais il le prend pour exemple de ce qu'il appelle les coups d'État, c'est-à-dire la manière dont l'État impose des décisions dans certains domaines, et il prend l'exemple du nucléaire au même titre que la politique de l'immobilier. Ce qui peut surprendre, car si les bulles immobilières éclatent, cela peut faire effectivement des dégâts, mais tout de même, comparé à une explosion nucléaire, ça n'a rien à voir. Alors, on trouvera sans doute des exemples ici et là. Je crois que Aron a écrit beaucoup plus. Et Guattari, mais Guattari, ses textes ont été republiés récemment. L'écosophie, il appelait ça l'écosophie. Mais bref, tout cela pour dire que il y a une absence assez curieuse de la réflexion sur le nucléaire. On dirait que ce problème est invisible, et c'est un problème qui a fort peu sollicité finalement la réflexion philosophique depuis sa naissance. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'en même temps qu'il ne sollicitait pas la réflexion philosophique, il prenait dans nos vies une place qui est désormais incontournable. Alors, nous allons arriver tout doucement au problème de l'art, mais tout d'abord, comment expliquer cette expulsion donc paradoxale du nucléaire de l'horizon épistémologique de notre époque, de son époque, de l'époque de l'essor du nucléaire? Une explication, il y en a plusieurs à mon avis, mais une explication, c'est le caractère radicalement inouï des questions que pose le nucléaire. Je vais prendre ici l'exemple de Günther Anders. J'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de penseurs français qui ont pensé nucléaire. En revanche, il y a quelques penseurs allemands, notamment Günther Anders, ou autrichiens comme Robert Jung, qui aujourd'hui est assez méconnu. Mais ce n'est pas un hasard si il y a là un lien évidemment entre la pensée et la pratique politique. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard si l'Allemagne a pu sortir du nucléaire assez rapidement, tandis que la France y reste encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, Günther Anders, l'un des seuls penseurs qui ait tenté de bâtir une pensée à partir de la problématique du nucléaire, avait forgé un mot tout à fait extraordinaire pour désigner le nucléaire. Il avait forgé le mot « supraliminaire ». Supra, donc, au-delà ou au-dessus, et liminaire, venant du latin limina, le seuil. Donc ce néologisme forgé par Anders, il l'explique de la manière suivante. J'appelle supraliminaire les événements et les actions qui sont trop grands pour être encore conçus par l'homme. Donc un événement supraliminaire, et le nucléaire en forme l'exemple initial pour Anders, un événement nucléaire, un événement supraliminaire, dépasse la limite de nos sens et de notre compréhension. C'est-à-dire que si je traduis très simplement ce qu'Anders a voulu dire, on ne peut même pas imaginer ce qu'est un accident nucléaire. C'est inimaginable. Et comme c'est inimaginable, cela excède du même coup la possibilité de sa représentation. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas non plus le représenter. Et c'est ce que dit Anders d'une manière très cinglante dans un entretien avec l'écrivain allemand Fritz Radatz. Anders va jusqu'au bout de sa logique. Radatz interroge Anders sur la fameuse formule que vous avez sans doute tous en mémoire, la formule d'Adorno sur l'impossibilité ou la barbarie de la poésie après Auschwitz. Et Anders approuve totalement cette formule d'Adorno. Il dit qu'effectivement, il est impossible d'écrire non seulement de la poésie, mais d'écrire tout court après Auschwitz. Mais ce qui est intéressant avec Anders, c'est qu'il élargit cela au nucléaire. Et il dit donc que non seulement c'est impossible d'écrire après Hiroshima, mais il a des mots très très durs pour certaines œuvres qui ont été produites soit à partir d'Auschwitz, soit à partir de Hiroshima. Par exemple, il assassine le poème de Paul Celan, Todesfüge, la fugue de la mort. Il dit que c'était un moyen de surmonter et d'admettre Auschwitz sous la forme d'une poésie d'avant-garde, un objet décoratif proprement scandaleux. Voilà. Par rapport à Auschwitz, l'art devient quelque chose de décoratif et de dérisoire et d'un peu ridicule. Il aura le même genre de propos très acide contre Schoenberg et même contre un musicien italien, Luigi Nono, qui avait adapté les propres écrits de Anders sur Hiroshima. Il les avait adaptés en musique dans un triptyque pour voix et orchestre. Et Anders, même si c'était son œuvre qu'on adaptait ainsi, avait cette conclusion définitive que je vous cite. Il est des événements d'une telle importance que l'art ne peut y atteindre. Je répète parce que c'est le cœur du sujet qui va nous occuper ce soir. Il est des événements d'une telle importance que l'art ne peut y atteindre. C'est un constat sans appel. Anders n'a pas une position morale. Il ne dit pas que l'art ne doit pas essayer de représenter Auschwitz ou Hiroshima ou Fukushima. Ce n'est pas une position morale, il fait un constat. Il dit que c'est supraliminaire, c'est au-delà de nos capacités d'imagination, donc de représentation, donc on ne peut pas. Le plus intéressant, à mon avis, c'est que dans cette analyse d'Anders, ce diagnostic d'une impossibilité de l'art après Hiroshima, cette impossibilité, il la relie à la question du temps. C'est-à-dire, selon Anders, nous sommes entrés dans ce qu'il nomme le temps de la fin. L'entrée dans le nucléaire signe l'entrée dans le temps de la fin. C'est-à-dire que le temps de la fin, qu'est-ce qu'il appelle comme ça ? C'est une époque où nous pouvons, chaque jour, provoquer la fin du monde. Nous vivons donc, en quelque sorte, dans l'attente d'une apocalypse, mais d'une apocalypse sans royaume, c'est-à-dire d'une destruction absolue qu'aucun salut ne viendra racheter. La menace nucléaire est suspendue, elle est immobile, et elle nous fige, pour ainsi dire, dans une attente interminable, et dans cette attente, nous ne pouvons même pas prendre un stylo, ou prendre un pinceau, ou un appareil photographique, ça ne sert plus à rien. Donc, vous voyez comme la position d'Anders est... Anders est sur une espèce de crête, c'est-à-dire que même la création artistique n'échappe pas à son constat terrible. C'est-à-dire que l'art, pour lui, n'est pas une sorte de dernier refuge des valeurs humanistes où, malgré Hiroshima, malgré Fukushima, on pourrait faire de l'art. Pas du tout. L'art, pour lui, n'est pas cette espèce d'auxiliaire un peu réconfortant de l'idée que quelque chose pourrait être sauvé. Au contraire, l'art devient une pratique extrêmement frivole. Mon objectif est de confronter ici la théorie esthétique extrêmement négative d'Anders à l'impressionnant déploiement d'œuvres en tout genre que Fukushima suscite pourtant aujourd'hui dans l'art japonais. Si Anders nous explique que l'art est impossible, un peu ridicule, un peu frivole après Hiroshima, et donc je le suppose qu'il aurait dit exactement la même chose après Fukushima, eh bien, chaque jour à Tokyo aujourd'hui, à Tokyo et dans l'ensemble du Japon, des artistes, souvent fort jeunes, tentent de répondre ou de poser la question Fukushima à travers leurs pratiques artistiques, et de manière extraordinairement efflorescente. Ces expérimentations artistiques dont nous allons parler maintenant sont d'ailleurs bien trop nombreuses pour que je vous en dresse un tableau exhaustif. Donc les exemples que je vais vous proposer maintenant sont des exemples que j'ai trouvés assez représentatifs. Ce ne sont pas les seuls, ce ne sont même pas forcément les meilleurs, bien qu'il y en ait quelques-uns, vous allez voir, qui me semblent tout à fait remarquables. Mais l'exploration donc de quelques-unes de ces pratiques artistiques nées après le 11 mars 2011, l'exploration donc de ces pratiques artistiques nous permettra de questionner la position de Günther Anders sur l'impossibilité de l'art, mais aussi de poser la question du temps. Y a-t-il encore de la place pour un temps émancipateur, pour un temps qui soit chargé de sens à l'époque du nucléaire et de son temps suspendu, de son temps sinistré, comme on le voit aujourd'hui dans les zones interdites aux abords de la centrale de Fukushima Daiichi. Bref, que reste-t-il de l'art au temps et dans le temps de Fukushima? Alors, la première chose à remarquer, je pense, c'est que personne aujourd'hui ne peut se promener au Japon sans constater cette espèce d'énorme, d'intense réflexion qui a lieu à travers l'art sur l'événement Fukushima. Sur l'événement que nous appelons Fukushima, que les Japonais appellent le 11 mars. Chaque exposition, à Tokyo comme dans le reste du pays, semble littéralement hantée par la triple catastrophe. Les grands musées consacrent énormément d'expositions à Fukushima. Il y en a une au musée d'art contemporain, au musée d'art moderne, au musée Mori, etc. Mais finalement, tous les événements artistiques au Japon aujourd'hui se réfèrent de près ou de loin, directement ou par la bande, dans la capitale comme en province, tous les événements artistiques se réfèrent à Fukushima. Les grands festivals, les minuscules espaces alternatifs qui fleurissent parfois de manière aléatoire dans la ville, les petites galeries, les grands musées, bref, tout le monde. En vérité, c'est plutôt l'absence d'une œuvre consacrée à Fukushima dans une exposition qui ferait événement. Je vous en donne un exemple très précis. La triennale d'art contemporain d'Aichi. Aichi, c'est à côté de Nagoya, donc dans le sud de Tokyo. C'est une des plus importantes manifestations artistiques du Japon. Et bien en 2013, cette manifestation est confiée à un professeur d'architecture qui se nomme Igarashi Taro. Igarashi Taro est un professeur d'architecture, mais en fait c'est un professeur d'architecture qui est natif de Sendai, c'est-à-dire natif d'une des villes les plus touchées par le sinistre. Et sur la centaine d'artistes invités pour cette triennale d'art contemporain, un tiers environ, un peu plus d'un tiers même, présentait un projet, une œuvre en rapport avec Fukushima. Alors, regardez par exemple ce que l'architecte Miyamoto Katsuhiro, il n'a pas réalisé cette œuvre mais il en a eu le projet, l'architecte Miyamoto Katsuhiro donc, dessine dans ce bâtiment que vous voyez ici. Ce bâtiment, c'est le musée de la préfecture d'Aichi. Et Miyamoto Katsuhiro donc, dessine un projet pour ce musée. Vous voyez l'immense bâtiment jaune au centre. Eh bien, c'est tout simplement le réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima. Donc voilà le projet qu'avait eu Miyamoto Katsuhiro pour cette triennale qui n'a pas été réalisée. En revanche, il en a réalisé un deuxième, que vous voyez ici. Alors évidemment, il n'a pas construit, il n'a pas reconstruit le réacteur de la centrale accidentée à l'intérieur du musée d'Aichi, mais il en a dessiné les contours en jaune ici, à une échelle 1-1, c'est-à-dire grandeur nature. C'est-à-dire qu'un spectateur qui entrait à ce moment-là dans la triennale d'Aichi, dans le centre d'art et de culture, eh bien ce spectateur était censé entrer d'une certaine manière dans la centrale de Fukushima. Le message est donc extrêmement clair. Quand vous entrez dans le musée, vous entrez dans la centrale, c'est-à-dire que l'art doit essayer, par tous les moyens, l'art lui-même est en ébullition, si vous voulez, il doit essayer, par tous les moyens, de répondre au désastre. Donc j'ai choisi cette image, parce que je la trouve assez éloquente, assez représentative, comme si tout d'un coup, il fallait quasi identifier l'espace d'exposition et la centrale elle-même. Comme s'il fallait les mettre en relation et presque en surimposition ou en superposition. Donc, de nombreux artistes japonais ont exactement la même hantise. Et les plus connus de ces artistes, les plus controversés également, c'est un collectif qui s'appelle Chimpom. C'est un collectif de jeunes gens, c'est 6 personnes, 5 jeunes gens et une jeune femme, qui a été constitué depuis 2005. Alors, je vous montre. On va parler de Chimpom juste après. Miyamoto Katsuhiro, encore lui, donc le même dont nous avons vu le tracé jaune pour représenter la centrale à l'intérieur du centre d'art et de culture, le même a fait cette installation où il prend les quatre réacteurs endommagés de la centrale de Fukushima, que vous voyez ici en bleu, et il a ajouté par-dessus donc des toits en forme des toits qu'on trouve dans les temples japonais. Donc une espèce de clash, de collision temporelle très forte entre l'immémorial culturel japonais et l'immémorial nucléaire, d'une certaine manière. Bref, je reviens à Chimpom. Donc Chimpom, groupe de jeunes gens, je vais citer leur nom parce que leur nom mérite d'être cité. Hayashi Yasutaka, Inaoka Motomu, Mizuno Toshinori, Okada Masataka et Ushiro Ryota. Et la jeune femme blonde que vous voyez au centre ici, qui est la seule femme du groupe et aussi son égérie, se prénomme Ellie. Alors, Chimpom, donc, vous le voyez, ce sont des très jeunes gens. Et ils seraient fort surpris de savoir qu'on parle d'eux aujourd'hui au musée du Louvre. Vous voyez derrière eux le mot party, c'est-à-dire la fête, la soirée festive, avec le art, hein, qui est au milieu du mot party. Voilà, ça résume assez bien Chimpom, c'est-à-dire ce sont des jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans, je crois que le plus vieux a 32 ou 33 ans, et qui aiment faire deux choses, la fête et de l'art. Bien. C'est pour ça que j'ai choisi cette animation rebondissante, qui leur va très bien, me semble-t-il. Sauf que sous ces allures jeunes, dans le vent, un peu hype, il me semble que Chimpom mène aujourd'hui une véritable guérilla artistique qui est d'une intelligence profonde. Je vais essayer de vous en donner quelques exemples. D'abord, il faut savoir que Chimpom n'a pas attendu Fukushima le 11 mars 2011 donc, pour s'intéresser aux problèmes nucléaire, puisque dès 2008, ce groupe de 6 artistes japonais s'était fait connaître à Hiroshima, donc 2008, avant Fukushima, évidemment. Vous reconnaissez le Genbaku Dome, c'est-à-dire le fameux dôme qui est aujourd'hui la seule ruine, le seul vestige de Hiroshima. Et si vous regardez bien dans le ciel bleu magnifique qui surmonte ce dôme, donc, qui est le reste de l'explosion nucléaire de Hiroshima, tout ce qui reste, puisque l'ensemble de la ville a été complètement rasé et qu'on a gardé juste ce bâtiment en mémoire. Et si vous regardez dans le ciel, vous voyez un signe étrange, il y a les nuages blancs, un peu pâles, et puis vous avez Pika. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des dessins, hein, c'est une écriture, ce sont ce qu'on appelle des katakana, c'est-à-dire c'est le système d'écriture japonais, et Pika, c'est le bruit, c'est l'onomatopée de l'explosion en japonais. Donc en gros, c'est comme si on avait inscrit « boum » dans le ciel. C'est-à-dire que Chimpom a loué un avion pour aller tracer l'onomatopée de l'explosion au-dessus du dôme de Hiroshima, donc dans un travail, si vous voulez, de mémoire, hein, pour rappeler que ce dôme, qui est aujourd'hui un lieu très touristique, a d'abord été un lieu de l'horreur nucléaire. Donc ceci, dès 2008. Mais, alors ça a fait de nombreuses polémiques, mais le plus spectaculaire, c'est après Fukushima, exactement un mois après Fukushima, c'est-à-dire le 11 avril 2011, un mois jour pour jour après le drame, Chimpom récidive de manière encore plus spectaculaire, puisque Chimpom va pénétrer dans la zone interdite de Fukushima. Ils vont s'approcher à 700 mètres de la centrale. Vous voyez ici, dans le fond, les bâtiments que vous voyez dans le fond, c'est la centrale de Fukushima. Les deux personnes que vous voyez devant, ce sont deux membres du collectif Chimpom. À ce moment-là, le 11 avril, on est à des niveaux de radioactivité effarants. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est 199 millisieverts par heure. Normalement, c'est 20 millisieverts par an, la limite. Ici, on est à 199 par heure. Donc, il s'approche assez près de la centrale et il grimpe sur un promontoire, donc au-dessus de l'océan Pacifique, d'où on aperçoit les carcasses des réacteurs dévastés. Là, il déplie un tissu blanc sur lequel il bombe un cercle rouge, ce qui est, vous le savez sans doute, le drapeau japonais. Le symbole du drapeau japonais, c'est un cercle rouge sur un fond blanc. Mais tout de suite, ils y adjoignent les trois cônes typiques du symbole nucléaire, c'est-à-dire qu'ils transforment en un clin d'œil l'étendard national en un trèfle radioactif. Ils ne se contentent pas de cet acte, ils le filment, et cet acte de guérilla artistique donc, va faire le tour du monde et se trouve aujourd'hui au musée d'art moderne de la ville de Tokyo. Le drapeau japonais, qu'on appelle Hinomaru, vous le voyez ici, peut effectivement prêter, et c'est aujourd'hui le cas dans de nombreuses manifestations artistiques au Japon, à une réécriture parodique, si vous voulez, sous la forme du trèfle radioactif ou de la pâquerette radioactive, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a là une manière de connecter l'art et le politique. Voici le drapeau de guerre de l'armée impériale japonaise. Lorsque vous placez à côté le trèfle radioactif et que vous opérez, les Japonais sont des très grands designers, comme vous le savez, lorsque vous opérez une sorte de fusion, pour ainsi dire, c'est le cas de le dire, vous obtenez donc ce genre de symbole, ce genre de logo qui sert aujourd'hui à la lutte artistique contre le nucléaire. D'autres actions du même genre vont suivre, qu'on ne peut pas toutes citer ici, mais on va quand même citer l'une des plus remarquables. Le 1er mai 2011, à Tokyo cette fois, non plus à Fukushima, mais à Tokyo, Chimpom va encore faire parler de lui, puisque vers 10h du soir, des membres du groupe vont entrer dans la gare de Shibuya, et là, ils vont se diriger vers l'immense fresque d'Okamoto Taro qui est exposée dans la gare de Shibuya, dans le hall de la gare. Voici cette fresque. Cette fresque, donc, d'Okamoto Taro, a été peinte en 1968-1969 et elle se trouve aujourd'hui dans un des lieux les plus passants de Tokyo, au cœur même de Tokyo, en fait, c'est-à-dire dans la gare de Shibuya. Or, cette réalisation d'Okamoto, qui s'appelle « Le mythe de demain », n'est pas un tableau comme les autres. Par son histoire, d'abord, cette fresque a été conçue pour un hôtel mexicain. Elle a longtemps été considérée comme perdue. Elle a été retrouvée en 2003 et restaurée en 2007. Donc une histoire très étrange, un objet perdu et retrouvé. Par son ampleur également, vous le voyez, 14 panneaux de 5,50 m de haut et 30 m de long. C'est une œuvre monumentale, une fresque qu'on ne peut pas rater. Par son emplacement aussi, c'est la gare de Shibuya, donc au cœur de Tokyo, qui est un des centres les plus actifs de la ville, où passent chaque jour des millions de personnes. Par son thème, enfin, cette fresque, très rougeoyante, très colorée, évoque en fait trois événements, Hiroshima, Nagasaki et l'affaire du Daigo Fukuryu Maru, c'est-à-dire ce bateau qui, en 1954, alors qu'il se trouvait en dehors de la zone des essais nucléaires américains dans le Pacifique, il s'est trouvé en dehors de cette zone, mais il avait tout de même été touché par des retombées radioactives des essais américains à Bikini. Et un des marins était mort à cause donc, de la radioactivité. C'était en 1954, ça avait fait un gros scandale à l'époque. Kurosawa en avait tiré un film magnifique qui s'intitule « Vivre dans la peur » en français. Bref, vous le voyez, la fresque de Taro Okamoto, Okamoto Taro, est une sorte de cri de révolte contre l'atome, contre le nucléaire, et cette fresque se trouve au cœur de Tokyo. Et des millions de personnes, des milliers, des centaines de milliers, passent devant chaque jour. Chimpom va ajouter à cette fresque un petit morceau de tableau. Voilà. Ils vont peindre, si vous voulez, un supplément à la fresque de Okamoto Taro. Et ils vont l'installer, vous les voyez ici, ils vont l'installer dans un coin de cette fresque, coin qui était, comme par hasard, inoccupé. Vous voyez ? Je vous mets les petites flèches qui clignotent. C'est pour vous montrer où cette fresque, où ce tableau a été ajouté. Et bien sûr, comme vous le voyez, ce tableau, qui s'appelle Level 7, c'est-à-dire le niveau 7, qui est le niveau auquel a été placé l'accident nucléaire de Fukushima, ce tableau représente les réacteurs endommagés de la centrale de Fukushima. Bref, en s'attaquant, entre guillemets, au tableau de Okamoto, Chimpom vise, à mon avis, très juste. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui passent chaque jour devant ce tableau sans le voir, finalement, puisque le business nucléaire bat son plein par ailleurs. Et il s'agissait à la fois d'ouvrir les yeux du public sur l'immense hypocrisie qui consiste à accrocher cette œuvre au centre de Tokyo et à continuer, d'une certaine manière, le travail d'Okamoto en ajoutant au chapitre de Hiroshima, de Nagasaki ou du bateau contaminé, en ajoutant un nouveau chapitre, celui de Fukushima. Donc vous voyez, Chimpom est un groupe dynamique, dissensuel, ludique, provocateur, mais il pose des questions importantes sur la société japonaise. Il fait aussi passer un vent de fraîcheur sur la scène artistique, délibérément en rupture avec certaines orthodoxies critiques. Ils sont résolument de leur temps, ils filment toutes leurs expérimentations, ils les diffusent sur Internet à la vitesse de la lumière. Donc ils proposent un art qui est fait de vigoureuses interventions dans l'espace public, avec une bonne dose d'humour, d'insolence. Ça peut parfois sembler un peu immature, d'autres fois un peu ambigu, mais ce n'en est pas moins porteur d'une réflexion sur l'art. Une réflexion d'ailleurs qui n'est pas si nouvelle, on pourrait la relier très facilement à des expérimentations des années 60, par exemple les expérimentations des groupes de théâtre d'avant-garde ou bien les innovations de Makoto Haïda, par exemple. Cette lignée de l'art japonais qui a ressurgi avec une verdeur incroyable après Fukushima, cette lignée, je propose de l'appeler les perpétrateurs d'art. C'est le titre d'un livre de Chimpom, hein, perpétrateurs d'art. En japonais, c'est Geijutsu Jikoran, avec des idéogrammes, des kanji utilisés qui signalent l'idée d'un art pratique, d'un art performance, et aussi d'un crime. Il y a un jeu de mots dans l'idéogramme. Ça peut être à la fois un forfait, un crime, et une performance pratique. Perpétrer l'art. Donc, vous voyez, ce ne sont pas seulement, et dans certains cas, ce ne sont plus du tout un effet plastique ou une recherche formelle qui sont en jeu, mais une certaine manière d'interroger le réel. Chimpom est un groupe profus, parfois même un peu confus. Chimpom travaille sur des supports variés. Il a des pratiques variées vers la vidéo, vers l'acting, comme on dit. Et cet art, finalement, n'est pas seulement l'objet d'un jugement esthétique, mais aussi et peut-être avant tout d'un questionnement, et notamment d'un questionnement auto-réflexif, celui du rôle de l'art dans la société. Cela tranche évidemment avec le grand artiste japonais mondialement connu, mais qui a pris un sacré coup de vieux finalement avec Fukushima, c'est-à-dire Murakami Takashi. Quand vous comparez les énormes ballons gonflés à l'hélium et disposés dans le monde entier, y compris au château de Versailles, le tout un peu kitsch et très coloré de Murakami Takashi, vous voyez bien que là, tout d'un coup, l'art de Chimpom fonctionne selon d'autres méthodes et selon d'autres objectifs. Bref, si je veux être clair, exploiter le capital commercial de la culture semble désormais moins important après Fukushima que redonner à l'art un certain pouvoir de provoquer, de rire et de réfléchir. Alors, je vais vous donner très rapidement, parce que le temps tourne, quelques autres exemples. Ici, c'est un ikebana, mais fait avec des fleurs radioactives. Donc c'est une manière, si vous voulez, de parodier et de détourner un art traditionnel japonais, en montrant donc que le Fukushima a atteint le cœur de la culture japonaise. Ici, c'est un membre de Chimpom qui s'est fait embaucher dans la centrale comme travailleur, comme quoi à peu près n'importe qui peut y aller, et donc ils ont pris cette photo carton rouge à la centrale au réacteur de Fukushima. Vous voyez, le message est clair, il s'agit de dénoncer la corruption, vous avez vu un ikebana qui est pourri, et de mettre un carton rouge à l'industrie du nucléaire. Alors, je continue. Je vais vous donner deux autres exemples très rapidement de personnes qui sont un peu dans le style de Chimpom, c'est-à-dire qui défend la présupposée frontière entre l'art et la vie, et qui propose donc de brouiller en fait cette frontière entre l'art et l'activisme, en dehors donc complètement du système traditionnel des beaux-arts. Ici vous avez Yamakawa Fuyuki, Atomic Guitars, les guitares atomiques. Alors ce sont des guitares qui sont montées l'une en face de l'autre. La scène est montée pour un groupe rock, mais ce groupe rock n'arrive jamais sur scène. Et à la base de chaque guitare, vous le voyez, il y a un pot de terre radioactive et un dosimètre. Et en fait, c'est le dosimètre, c'est la radioactivité en fait qui va actionner les guitares. C'est-à-dire que c'est la radioactivité de la terre qui va provoquer le son. On dit souvent que la radioactivité est invisible et donc que ça pose un problème à la représentation, y compris à la représentation artistique. Ici, Yamakawa Fuyuki, lui propose non pas de rendre visible la radioactivité, mais il propose de la rendre audible. Avec l'idée donc d'un art, encore une fois, très pragmatique, et le rapport à la terre que nous allons retrouver dans l'œuvre suivante. Voici une charmante paire de chaussures. Alors c'est l'artiste Sputsniko qui a construit cette paire de chaussures, qui s'appelle Nanohana Hills. Nanohana, c'est le colza en japonais. C'est une jeune femme, très jeune, née en 1985. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi il nous montre des chaussures tout d'un coup? Regardez mieux ces chaussures sous un autre angle. Vous voyez qu'il y a une espèce de dispositif assez étrange. Vous voyez un réservoir rempli de graines. Ce sont des graines de colza. Et en fait, une jeune femme qui achèterait ces charmantes chaussures pourrait se promener, et à chaque fois qu'elle pose le talon par terre, eh bien, ça plante une graine de colza. Il faut savoir qu'en Biélorussie, donc autour de Tchernobyl, les chercheurs ont découvert que le colza absorbe la radioactivité, le césium-137 notamment. Et donc, si vous voulez, c'est une manière de relier l'art à l'idée d'une guérison possible, ou au moins d'un soin. Donc toujours cette idée de la pragmatique de l'art, et toujours le rapport à la terre. Il s'agit, et c'est évident ici, de reprendre contact avec le sol, une relation, si vous voulez, avec notre habitat, comme quand on dit, par exemple, dans l'expression française, « garder les pieds sur terre ». Voilà. Donc ces chaussures ont été, qui est une œuvre d'art également, été conçues par Ozaki Hiromi, dont le nom d'artiste est Sputsniko. Et c'est intégré normalement dans un ensemble d'installations avec des vidéos, etc., etc. Alors, on peut être parfois un peu sceptique devant ce genre de travail, puisque effectivement, le but n'est pas de faire un objet esthétique au sens le plus traditionnel du terme, le but est d'instaurer, d'enclencher une réaction et une réflexion. Pour ma part, je suis plus sensible à des artistes peut-être moins ouvertement engagés, moins spectaculairement engagés, mais qui me semblent faire un travail de fond. Par exemple, je vais vous en donner un premier exemple avec Fuji Hikaru, des artistes donc, qui ne se contentent pas d'utiliser un peu le système de la provocation, mais qui vont dans des choses peut-être, je ne veux pas dire plus profondes, parce que je n'ai pas apporté de jugement après tout sur les pratiques artistiques des uns et des autres, mais qui vont en tout cas dans des directions différentes, qui moi, personnellement, me touchent plus. Donc voici Fuji Hikaru, qui est né en 1976, donc encore une fois un homme assez jeune, et qui depuis le 11 mars donc, multiplie les initiatives à Londres, à Berlin, à Tokyo, auprès de publics variés, pour informer sur la situation japonaise. Donc il y a une dimension citoyenne de son action, mais il n'y a pas seulement une dimension citoyenne, parce que Fuji est aussi titulaire d'un DEA sur le design interactif à l'université Paris 8 en France. Et il y a aussi donc une portée réflexive et une portée artistique. En fait, le côté citoyen, le côté réflexif et le côté artistique sont extrêmement bien liés, à mon sens, dans son œuvre. Comme le démontre, comme je vais essayer de vous le montrer, dans cette pièce que vous voyez devant vous, qui a été récemment acquise par le Musée national d'art moderne de Tokyo. Cette pièce s'appelle « Enregistrement d'un paysage côtier ». C'est une vidéo qui dure 12 minutes. Vous entrez dans une salle au Musée d'art moderne de la ville de Tokyo, et vous avez donc cette vidéo. Et alors là, c'est terrible, parce que pendant 12 minutes, il ne se passe quasiment rien. Nous sommes le 30 août 2012, il est à peu près 5h du matin. Nous sommes dans une forêt, comme vous le voyez, une forêt du village d'Itate. Itate s'est situé à 40 km à peu près de la centrale de Fukushima. Et le village d'Itate est très connu, même s'il est en dehors de la zone interdite, il est très connu parce qu'il a un taux de radioactivité énorme. Après la première explosion, par exemple, ce taux de radioactivité avait bondi à 360 fois la norme. Et encore aujourd'hui, ce village est extrêmement contaminé. Donc c'est dans ce site que Fuji Hikaru filme en plan fixe, sans aucun ajout de musique. Il filme quoi? Il va filmer tout simplement le lever du soleil dans les sous-bois. Et donc pendant un peu moins de 13 minutes, rien ne se passe que la lente arrivée de l'aube. Alors vous voyez les gens, les spectateurs arrivent, et en fait on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Au bout de quelques instants, sur la gauche, il y a un corbeau qui pousse son cri. Et puis, après, sur la droite, mais de manière ténue, presque imperceptible, il y a les premiers rayons du soleil qui arrivent, et si on s'est déjà suffisamment installé dans l'œuvre, on peut y être très très sensible. Donc lentement, la lumière se diffuse par la droite, timidement, fragilement. Et puis, les sons prolifèrent, on entend les oiseaux qui pépient, on entend le bourdonnement furtif des insectes. En fait, on assiste à l'éveil d'une forêt. Les couleurs vont se préciser petit à petit. Alors, je ne vous ai pas mis la vidéo, mais vous pouvez l'imaginer. Petit à petit, avec la lumière qui arrive par la droite, on voit le vert des feuilles qui devient de plus en plus tendre, le brun des troncs qui devient de plus en plus rouge, de plus en plus solide. Et puis, tout à la fin, dans un coin de l'écran, Fuji marque trois chiffres. Des chiffres blancs qui s'inscrivent sur fond noir. Il va marquer en haut, donc en haut à gauche, il va marquer la latitude du lieu, sa longitude, son altitude, donc trois données géographiques, latitude, longitude, altitude, et tout à la fin, il finit avec le niveau de radiation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on réalise en un instant que le niveau de radiation de cette forêt fait aujourd'hui partie des données incontournables de la région, au même titre que les coordonnées physiques, comme la longitude ou la latitude. Mais on assiste aussi, et je crois que c'est là où cette œuvre est très belle à mon avis, si on a la patience aussi de se laisser pénétrer par elle, on assiste à la rencontre de deux temporalités différentes. Tout à coup, ce temps que je vous ai décrit, qui est un temps pensé un peu dans sa dimension naturelle, fluctuante, une espèce d'épiphanie, ben c'est l'aube, c'est le crépuscule du matin. Épiphanie de son, de couleur, les petits mouvements imperceptibles de la nature, et tout d'un coup, à la fin, avec les données latitude, altitude et longitude, et surtout le taux de radioactivité, eh bien, tout d'un coup, ce temps naturel, fluctuant, se fracasse finalement sur un temps à la Newton, un temps homogène, un temps mathématique et invariable. Soudain donc, le flux de la conscience cède devant le temps des horloges de la mesure quantitative. Les nuances subtiles de la couleur de l'air lors d'un crépuscule, la modulation continue que vous connaissez tous lorsque vous assistez à un crépuscule le matin, la pulsation du matin qui s'ouvre, tout cela cède devant le temps du progrès scientifique, le temps des mathématiques et le temps de la contamination radioactive. Donc voilà, c'est une œuvre qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui a été achetée par le Musée national d'art moderne à Tokyo. Un autre exemple, mais le temps passe, donc je vais vous le faire un peu plus court, c'est Iwasaki Takahiro. Alors lui, vous voyez, il construit ces espèces de machines, mais lui, il joue non pas sur les décalages dans le temps, la rencontre de plusieurs temporalités différentes, il joue sur les effets d'échelle, c'est-à-dire que ce que vous avez vu, plein cadre, en fait, est quelque chose de tout à fait minuscule, et il installe comme ça des pylônes, des tours électriques, des centrales sur les objets les plus quotidiens. Vous voyez, une brosse à dents, quelques linges, une chaussette. Alors on ne sait plus si c'est tellement une pagode ou un pylône. Bref, c'est pour montrer là de manière très délicate. Hein. Peut-être qu'on ne le voit pas sur les photos, mais si vous le voyez en vrai, c'est un travail d'orfèvre. C'est de la miniaturisation. Les Japonais sont très très forts là-dedans. Et ce sont vraiment des œuvres tout à fait étonnantes et qui, encore une fois, demandent une participation active du spectateur qui doit se pencher vers l'œuvre, qui doit la regarder, qui doit l'observer de manière très attentive, comme si, après Fukushima, il s'agissait un peu de nous réveiller aussi sensoriellement. J'en passe. J'en viens maintenant à mon dernier exemple, qui est l'exemple de Arai Takashi. Arai Takashi est né en 1978. Et depuis le désastre du 11 mars, Arai est allé plusieurs fois sur les sites de la catastrophe, comme beaucoup de ses confrères, c'est un photographe. Comme beaucoup de photographes, il est allé sur place, il a photographié, mais c'est le seul photographe qui a eu l'idée, sur ce sujet on ne peut plus contemporain, de solliciter un des procédés les plus anciens de la photographie, qui est le daguerréotype. Les sujets de Arai sont les mêmes que bien d'autres photographes, c'est-à-dire il y a des photos de centrales, comme vous voyez ici. Là, c'est pas au Japon, d'ailleurs, c'est aux États-Unis. Il y a des photos de sites nucléaires, il y a des photos de... Ici, donc, de Minamisoma, qui est un site très contaminé, avec des fermiers qui sont en train d'essayer de décontaminer. Et donc, vous voyez, ici, il y a un checkpoint. Non, c'est pas le checkpoint ici, pardon, c'est le temporary housing, c'est-à-dire les refuges pour les gens qui ont été donc chassés de la zone interdite ou par le tsunami. Ici, un lilas radioactif. Et donc, vous voyez, ce qui est très, très ici, la dernière est une de mes préférées, c'est Koyu Abe, donc un homme qui se tient dans son jardin et qui a regardé la main posée sur un gros bidon. Ce gros bidon est un bidon donc, de déchets radioactifs. Et vous voyez, nous trouvons ici dans la propriété hein, de Koyu Abe. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, ici, en dehors de l'aspect documentaire, de savoir comment vivent des fermiers ou un homme, comment un homme peut poser comme ça dans sa propre propriété encombrée de déchets radioactifs, ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'usage du daguerréotype. Je suis allé voir sur Internet comment on faisait un daguerréotype. Personnellement, j'ai fait un peu de photographie, mais le daguerréotype, je ne le connaissais pas du tout. Alors, pour finir, dans les cinq dernières minutes qui me restent, je vais d'abord vous décrire toutes les préparations, le développement et la fixation d'un daguerréotype. Je vais le faire un peu dans un exercice à la Pérec. Vous allez comprendre pourquoi ça me semble important de le faire justement dans une autre temporalité que la temporalité de la catastrophe, la temporalité de la conférence qui touche à sa fin. Pour faire un daguerréotype, donc, préparation. Polir une feuille de cuivre argentée avec une peau de chamois. Éviter toute impureté ou imperfection sur la surface, qui doit briller comme un miroir. Votre souffle même ne doit pas se poser sur la plaque. Placez des cristaux d'iode et de l'eau de brome dans des caissons. Saupoudrez avec de l'iode. Vérifiez les subtils changements de couleur sur la plaque. Saupoudrez avec du brome. Vérifiez à nouveau. Mettre la plaque dans un passe-vue. Développement. Filtrez le mercure avec une toile à fromage. Mettre la plaque sur le boîtier supérieur d'un pot de mercure. Chauffez jusqu'à 90-100 degrés. Enlevez le tiroir et exposez la plaque à la vapeur de mercure. Après 2 minutes, l'image devient visible. Fixation. Préparez une solution. Immergez la plaque développée dans cette solution, puis la mettre, une fois qu'elle est fixée, dans une dorure à l'eau. Faire chauffer jusqu'à 50 degrés. L'image devient plus claire et acquiert ses tons propres. Rincez à l'eau claire. Manipulez la plaque avec des gants. Pour finir, séchez la plaque au séchoir électrique. Vous voyez qu'on n'est pas là dans la photo numérique clic-clac. C'est un processus qui prend énormément de temps. On est en fait à l'opposé, puisqu'on est dans la photographie bien sûr, mais on est à l'opposé de cette mythologie du chasseur d'images, vous savez, avec cette fantasmatique de la prise, de la proie. En fait, ici, on est en présence d'une élaboration, mais encore plus que d'une élaboration, d'une collaboration, parce que pendant que vous préparez ce daguerréotype, votre modèle, pour ainsi dire, il travaille avec vous. Donc on est dans une espèce de collaboration entre un artiste et son personnage, dans une sorte d'échange prolongé. Et c'est touchant parce que, bien sûr, ça implique, en plus du temps, du soin qu'on prend, un soin artisanal autant qu'artistique, ça implique ça implique dialogiquement, sous forme de dialogue, ça implique l'autre dans le processus créateur de sa figuration. Donc il ne me semble pas du tout anodin que Arai Takeshi ait choisi cette technique où il remonte vraiment aux origines de la photographie. Et il me semble que ce n'est pas du tout anodin, non seulement parce que dans la préparation même, où ça demande un soin, ça demande un temps différent, mais aussi dans l'effet qui est produit par cette daguerréotype, et que je trouve, moi, pour ma part, profondément troublant. C'est-à-dire que même sans connaissance technique particulière, chacun rattache immédiatement ce type d'image à un passé lointain, datant des tout premiers âges de la photographie. Et là encore, tout à coup, les temps se télescopent. Les temps se télescopent et, à mon avis, le sens de l'histoire revient. C'est-à-dire qu'il y a une certaine continuité qui s'impose. Ces fermiers dépossédés, ces réfugiés dépouillés que vous avez vus là, ici, ces habitants sinistrés, en fait, ce sont les descendants des marins contaminés du navire dont je vous ai parlé et dont Arai Takeshi a également fait un daguerréotype. Arai s'est aussi rendu sur le site de Trinity, au Nouveau-Mexique, où a eu lieu le premier essai nucléaire de l'histoire. Donc, vous voyez, Arai, il ne fait pas dans la victimisation, il ne tente pas de construire une figure sacrificielle, mais il rend à nouveau visible, y compris par sa technique, et avant tout peut-être par sa technique, il rend visible une espèce de temporalité très longue, et il en fait le vecteur d'une véritable expérience qu'on pourrait appeler, à mon avis, une expérience de hantise et d'apparition. Donc cette saisie artistique d'un temps présent, d'un temps actuel, du temps brûlant actuellement, mais avec une technique, des codes et un dispositif d'un passé très ancien, il me semble que ce dispositif très étrange et très troublant que construit Arai, il me semble qu'il a une fonction à la fois de rappel et d'appel, si vous voulez. Il renoue avec une forme de continuité historique, de communauté mémorielle, et en même temps, il fournit un outil de lutte contre l'amnésie et une sorte d'instrument de reconstruction de la mémoire collective. À ce titre-là, il me semble que Arai rouvre un espace de circulation qui met à nu les angles morts du récit magnifié de la tome, qui rappelle les petites histoires, les personnages singuliers pris dans cette grande histoire, et qui permet, me semble-t-il, l'élaboration de nouvelles formes de visibilité, où le passé et le présent se croisent et entrent en résonance. Pour finir, je dirais donc, en vous remontrant à nouveau ce superbe lilas radioactif, et surtout cette image que, pour ma part, je trouve tout à fait bouleversante avec ce vieil homme qui a la main sur sa poubelle nucléaire, comme s'il essayait de la domestiquer en quelque sorte. Pour finir, je dirais, une catastrophe nucléaire, c'est un événement sans fin, évidemment. Et aujourd'hui, je dis ça, on n'est pas dans l'abstrait aujourd'hui. Les habitants qui habitent dans la région de Fukushima et les artistes qui s'en occupent vivent de manière quotidienne aujourd'hui, dans un temps tout à fait spécial. Ils sont confrontés à une reconstruction, parce que tout a été rasé par le tsunami, donc cette reconstruction est nécessaire, mais comme tout est contaminé, elle est aussi nécessaire qu'impossible. Ils sont pris donc à la lettre dans un temps qui est interminable, dans le temps que Anders, au début de mon exposé, appelait le temps de la fin. Ils sont pris dans les raies d'un temps qui ne passe plus, et ça, quand vous allez sur place, et quand, même sans entrer forcément dans la zone interdite, mais quand vous allez sur place, vous sentez bien cette espèce de vacance du temps. L'idée même de temps semble discréditée, parce que c'est un temps où on ne peut plus faire de projet, par exemple. J'ai un ami, par exemple, moi, qui a une maison dans la zone interdite, dont il continue de payer les traites, il avait fait un emprunt, continue de payer les traites parce que le banquier est intraitable, mais évidemment, il paye les traites d'une maison dans laquelle il ne pourra jamais habiter. Vous voyez, on est dans cette espèce de temps absurde et un temps sinistré, si vous voulez. Et c'est un élément essentiel, je pense, pour comprendre la situation aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé dans Fukushima Récit d'un désastre, la demi-vie. Et pourtant, les artistes dont je viens de vous parler, dont je viens de vous montrer quelques œuvres, ces artistes refusent tous, chacun à sa manière, cet univers plat, cet univers dépourvu de prolongement, cet univers dépourvu de vibrations, dépourvu d'écho, qu'est une zone nucléarisée. Et ils travaillent, me semble-t-il, certains travaillent sur des notions d'espace, bien sûr, mais ici je me suis plutôt intéressé à ceux qui travaillent avec le temps. Et il me semble par exemple que Haral travaille dans la durée. Fuji travaille dans la temporisation. Il arrête le temps à un moment donné, il en retrace l'émergence très très lente, infiniment lente. Et Chimpom, nos amis de Chimpom que nous avons vus au début, eux ils sont dans l'urgence. C'est-à-dire que tous ces artistes ont un rapport très différent au temps et créent finalement une multitude de nouveaux calendriers. Les Chimpom, ils sont jeunes, ils sont traversés, ils sont même constitués de flux, de tempos numériques, télévisuels. Ils passent tout le temps par Internet pour leur production artistique. Et ils essayent d'accélérer encore cette espèce de régime de mobilité auquel nous sommes soumis dans la vie de tous les jours. Donc ils se placent, si vous voulez, à la pointe, à la crête de l'événement, comme pour arriver à saisir cet événement sur sa pointe, pour en saisir quelque chose à son extrémité. Fuji, dont nous avons vu l'image de la vidéo, Fuji, lui, c'est un peu l'inverse. Il est calme, il n'est pas du tout excité comme Chimpom. Il documente la catastrophe de manière minutieuse, sérieuse. Il y a un sens du cadrage dans ce qu'il fait, il y a une patience, il y a une distance. Et il invite ainsi le spectateur à prêter attention au temps naturel, celui des saisons, celui de la faune, celui de la flore. Mais vous voyez que Chimpom et Fuji, ils sont très différents, mais en même temps, chacun invente, chacun entend se donner le temps, voilà. C'est un temps très différent, mais chacun réinvente une notion du temps. Et enfin, Arai, donc vous avez compris que je place les œuvres vraiment très très haut, Arai, lui, il récapitule, il mémorise, il mesure. Les daguerreotypes que vous voyez ici, ce n'est pas du tout la capture d'un instant, mais c'est l'enregistrement d'une suite de moments. Et ça, c'est pour ça que je vous ai lu la manière dont on faisait, dont on composait, dont on élaborait un daguerréotype. Donc, il me semble que ces trois artistes, ces trois genres d'artistes, arrivent à restituer l'ampleur de la catastrophe, mais aussi une forme d'inscription dans le temps humain. Dans chacun de ces travaux, il me semble qu'un savoir nouveau se met en place et un autre type de mémoire. Être en retard, être en avance, être à contre-temps de l'événement, ralentir, accélérer, bref, la diversité d'allure, la diversité de rythme, de temporalité dont j'ai essayé de vous donner une idée dans la production artistique contemporaine ce soir, eh bien, cette diversité-là, à mon avis, est un signe. Tous ces protocoles artistiques minent la tyrannie d'un temps unique, d'un temps aplati, d'un temps laminé, un temps où il ne se passe plus rien, parce que de toute façon, il ne peut plus rien se passer que l'attente de la fin, de ce que Gunther s'appelait le temps de la fin. Donc, contre les pratiques du temps univoque, contre le temps monocorde du progressisme technologique, tous ces artistes recréent des temporalités, font foisonner des calendriers et jouent avec des strates temporelles très variées, très hétérogènes. Nous qui n'avons pensé pratiquement le temps que comme une ligne géométrique à flux tendu, c'est ça notre vision du temps aujourd'hui, en tout cas, et depuis un certain nombre d'années, ce temps ligne, ce temps tendu, vers quoi on ne sait pas, ce temps quasi suicidaire parfois, avec son cortège de dettes, de déchets, eh bien, ces artistes nous montrent qu'en fait, il y a d'autres conceptions du temps possibles, calme, comme Fuji, très excité, comme Chimpom. Et bien sûr, il mise, plutôt que sur une catégorie de temps qui serait le temps mécanique, le temps mathématique, le temps de la mesure, le temps du calcul, le temps du progrès, de ce qu'on appelle le progrès, eh bien, ils remettent en circulation des tas d'autres temps qui font aussi partie de notre humanité. Pour finir, je reviens à Joyce et à l'Ulysse, pour boucler la boucle, puisque nous sommes le 16 juin, que c'est le jour, le Bloomsday. Joyce disait la chose suivante, après avoir écrit Ulysse, qui se passe à Dublin, c'est une seule journée entièrement à Dublin, il disait la chose suivante, il disait « Si Dublin a été détruite par une catastrophe, on pourrait la reconstruire, pierre par pierre, à partir de mon livre. » C'est cette phrase que je trouve très belle, très forte, une phrase très insolente, que je voudrais faire entendre ici pour finir. C'est la phrase de la croyance en la puissance de l'art et qui, évidemment, dans ce lieu magnifique du musée du Louvre, résonne mieux que jamais. Je vous remercie de votre attention. Exactement une question, cher Michael Ferrier, c'est Madeleine Berthaud. Je voudrais déjà vous remercier et vous féliciter vivement pour cette présentation si parlante de l'art né du drame de Fukushima. Mais ce n'est pas le plus important. Je crois que ce que vous nous avez apporté de plus précieux, c'est cette mise en perspective à la fois historique et philosophique du drame et de ses conséquences pour l'homme et pour la création artistique. Quand on pense à cette terrible catastrophe connue par le Japon, on se dit d'abord que les éléments naturels se sont déchaînés. Mais dès qu'on associe à la nature la destruction, bien sûr, de l'accident nucléaire qui s'en est suivi, il est impossible de ne pas relier Fukushima à Hiroshima, à tant d'autres drames que le XXe siècle a connus, y compris la Shoah. Et pourquoi s'arrêter au XXe siècle? On pourrait remonter jusqu'au temps historiquement connu. Je pense à ces vers de Du Fu, poète chinois de l'époque des Tang. Les Tartares sont là, leurs flèches trempées dans le sang. À quelle échelle que le drame se soit connu, c'est toujours pour l'humanité la destruction, l'horreur, et du fait de l'homme, de son intelligence, et en même temps de l'exercice de sa liberté qui prend souvent la forme de la cruauté. Si bien que, je pense à Valéry bien sûr, au début du XXe siècle, à Valéry plutôt qu'à Sartre ou à Bourdieu, qui dans le fond n'étaient pas de grands penseurs, ils voulaient simplement être des maîtres à penser pour les jeunes générations facilement manipulable. Mais quelqu'un comme Valéry qui disait « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. » À peine y réfléchir, on le savait depuis beaucoup plus longtemps. Madame, vous avez peut-être une question à Excusez-moi, la question vient, mais il me paraît important de souligner, mais je suis sûre que si on a compris l'intérêt de la conférence de Michael. C'est-à-dire que, en fait, on en vient à Adorno, que vous avez évoqué dès le début. Peut-on encore écrire de la poésie? Autrement dit, peut-on encore faire de l'art? Peut-on créé en tant qu'homme après la joie ou après toute autre grande catastrophe. Eh bien, vous nous donnez la preuve que lui et que l'art est salvateur. Pas forcément. D'abord, merci beaucoup pour votre, votre éloge. Votre éloge à la fois radieux et actif. Oui, tout le monde aura compris que je ne suis pas du tout d'accord avec Anders, qui est un penseur que j'estime, qui est prodigieusement agaçant, mais qui en même temps est extraordinairement stimulant, et que je pense, oui, je pense que l'art a une réponse à apporter, peut-être une réponse dérisoire, hein, un daguerreotype. Mais il y a quelque chose qui est important dans ce que vous avez dit, enfin, tout est important dans ce que vous avez dit, mais une chose particulièrement, c'est que la catastrophe de Fukushima n'est pas une catastrophe naturelle. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est-à-dire que, alors, évidemment, tout de suite, on va dire comment, il y a eu un séisme, il y a eu un tsunami, bon, d'accord. Sauf que le rapport commandé par le gouvernement japonais, un gouvernement qui n'est pas spécialement anti-nucléaire, à des experts japonais, qui ne sont pas non plus spécialement anti-nucléaires, c'est le moins qu'on puisse dire, ce rapport, qui est lisible sur Internet, a établi que la catastrophe de Fukushima n'était pas une catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'elle a été, elle s'est, bien sûr, il y a eu le séisme, il y a eu le tsunami, mais en fait, il y avait des manquements énormes dans la sécurité des centrales, ce que tout le monde savait, mais disons que quand un rapport officiel le dit, on en est d'autant plus convaincu. Ce qui pose le problème de savoir, en fait, est-ce qu'il existe encore des catastrophes naturelles? L'exemple de Fukushima, c'est une catastrophe où la nature et la culture sont complètement imbriquées. Alors, c'est un vieux débat hein, qui s'était posé à l'époque de Lisbonne, à l'époque du tremblement de terre de Lisbonne, entre Rousseau et Voltaire. Et ce débat ressurgit aujourd'hui et il me semble qu'il prend un tranchant très particulier. Ça veut dire aussi que si nous estimons que c'est un phénomène qui a été créé par l'homme, ça veut dire aussi que l'homme, d'une certaine manière, a le pouvoir d'y remédier. Et c'est bien ce qu'on voudrait faire entendre, ce en quoi on voudrait croire, même si aujourd'hui, je ne vous cache pas que la situation est assez désespérée. Donc, la question de l'art, elle est là, finalement, elle est... Ohé Kanzaburo, le grand écrivain japonais, prix Nobel de littérature, il avait cette formule. Ohé est allé à Hiroshima, donc il a ramené un livre magnifique qui s'appelle Notes de Hiroshima, qui est traduit en français, dont je vous conseille la lecture. Et Ohé a la même réaction à cette époque-là, dans les années 50, que nous aujourd'hui, face au désastre, il se dit, mais à quoi ça sert d'y aller, de faire un livre, prendre des photos, même d'acquérir un type, bon, il dit, mais la situation est telle ampleur de désastre que l'art, effectivement, et là on approche d'Anders Hoey, que finalement l'art va être, non seulement il peut rien, mais on va être ridicule si on essaye de faire de l'art avec ça. Ouais. Sauf qu'il termine en disant, en décrivant les médecins dans l'hôpital de Hiroshima, qui voyaient arriver les irradiés de partout et qui n'avaient pour soigner ces gens-là, qui souffraient de maux terribles, non seulement terribles, mais inconnus à l'époque et encore inconnus aujourd'hui d'ailleurs. Et ils avaient quoi? Ils avaient du coton, de la ouate, du mercurochrome. Et Ohé a cette phrase extraordinaire, il dit, ce sont ces gens-là qui, avec ce tout petit peu de moyens-là, un coton, un peu de mercurochrome, ce sont ces gens-là qui sont capables d'éviter le pire. Il termine avec la formule, c'est l'étrange pouvoir curateur de l'art. Je trouve que c'est une formule non seulement magnifique, mais qui donne à réfléchir, parce que ce n'est pas grandiloquent, ce n'est pas de penser que les artistes vont résoudre ces problèmes qui dépassent tout un chacun, et les artistes également, évidemment. Mais c'est de penser que ce pouvoir de l'art, cet étrange pouvoir de l'art, il est actif, et je dirais qu'il est d'autant plus précieux qu'il est précaire. Que finalement, c'est notre fragilité même qui fait le prix de ce que nous entreprenons. Voilà. Question pour... Nous aurons le temps de... de poursuivre encore. Bonsoir, merci pour cette conférence. Ma question sera très brève. J'ai observé sur l'image que nous avons en face de nous, ainsi que sur la précédente, le réfugié qui était parmi les, voilà, parmi les constructions, les traces, comme le doigt, les imperfections. Qu'est-ce que tu lui prêtes comme fonction? Il y a des traces. J'ai vu tout à l'heure la manière dont on doit faire pour faire un daguerreotype parfait. Apparemment, il y a des fois où ça... des fois, c'est pas si parfait. Il faut même pas un souffle, il faut même pas une buée sur la plaque pour qu'elle soit à toucher, pour qu'elle soit pure. Je pense là, il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose qui est très proche de ce qu'on trouve dans le travail de la poterie, de la céramique. C'est-à-dire que il y a et on est proche d'une problématique du désastre, de la catastrophe. C'est-à-dire que l'artiste ici doit composer avec quoi? Il a sa plaque, doit composer avec des poussières qui se baladent dans l'air, doit se composer avec ses propres peluches de vêtements qui tombent sur la plaque, doit composer avec toutes ces choses-là. Et finalement, même s'il veut faire une œuvre parfaite, il va y avoir, comme tu le dis très bien, des imperfections. Et ce sont ces imperfections, à mon avis, qui font le prix de l'œuvre. C'est-à-dire, c'est cette petite trace-là qui montre d'abord une trace humaine, et puis, comme dans la poterie, dans les poteries japonaises, poterie bizen par exemple, on met quelque chose au four et on va profiter de quoi? On va profiter de la cuisson du four, le feu. Le feu n'est pas loin là, de Fukushima. On va profiter des accidents de la cuisson. Voilà. Les accidents de la cuisson vont participer à l'œuvre. Et finalement, une poterie réussie, c'est une poterie qui est dans une sorte de jeu. Ça en rabat beaucoup sur le narcissisme des artistes. C'est une sorte de jeu avec le hasard, avec les circonstances, avec la chaleur, avec tout un tas de préoccupations, pour ainsi dire, périphériques ou atmosphériques, et qui va donner une œuvre à un moment donné. Est-ce que cela ne pourrait pas aussi donner à figurer ce que tu soulignais tout à l'heure, à savoir la conscience de l'échec, de l'impossibilité, par quelque forme artistique que ce soit et qu'on essaie d'inventer, de recouvrir ce supraliminaire. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une étrange défaite où il entre un peu de victoire, ou alors une étrange victoire où il entre beaucoup de défaites. C'est-à-dire, je persisterai à la pleine victoire, parce que finalement, le plaisir que donne ça, je sais pas, mais moi... oui, c'est beau, quoi. Donc c'est une victoire. Il y a une victoire, là. Il y a quelque chose dans l'appréhension du spectateur, du lecteur pour les livres, par exemple. Il y a une victoire d'autant plus précieuse qu'elle est précaire. Mm-hmm. Elle met en tension. Personnellement, je suis extrêmement sensible à ces imperfections parce qu'elles mettent en tension l'image en donnant à voir le combat du dire malgré tout. Je ne sais pas si cette formule pourrait te paraître pertinente. Ces observations. Donc vous inviter à revenir donc pour la présentation du film documentaire à 20h30. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, laisser vos affaires à l'auditorium. Et par contre, je vous demande demande de représenter à l'entrée, pour ceux qui sortent, l'étiquette de la conférence. Donc, à 20h30, la salle sera ouverte à partir de 20h.